Cassandra, mon aimé, je n'ai rien attendu de toi. Et tu m'as tout donné, le temps, les astres et la terre, les champs, les cités, le mystère de la création, oublié après la latte, Moëlle, les offenses. La la la la la la la la la la la la la. Sincère, merci d'avoir guidé mes pas sur les places de Troie et de Macédoine, couronnées de monuments d'empire renversés, victorieuse du désamour et de la paresse. Tu triomphes de la torpeur et de l'inconstance. Merci pour près la troupe, oasis ardent dans une ville lointaine. Le sentier était clair, clair, la porte de ta demeure t'a annoncé le bonheur partagé. Une vie ne suffirait pas pour t'aimer. Toi, penser que le souffle laisse pour moi parfum d'un été et ses arômes. Ton image m'enivre, cœur, ma patrie. C'est l'endroit que tu habites. Secret.